Malicio, Ursa Major Crew et Vin Chiro. Qui a pu? On manque d'espace, d'espèce. Aïe. Ici c'est saigné pas comme tonne. J'en ai rien à foutre de faire des tonnes et des tonnes. Ah tu m'étonnes. Mon réel objectif est de faire des sous, de propager pas ma cause jusqu'à Kingston. Et dis-toi dans la vie faut pas tu abandonnes. Faut que tu gardes toujours espoir même s'il y a mort d'homme. Les frères réagissent comme un bonhomme. Personne va le faire à ta place même si tu joues sur homme. Sur la tête de ma mère. Aïe je suis sûr de wham. Mes refs et mes rusts de test sont tous en manque d'espace et d'espèces. Et tout ça ça me dépasse. Quand je vois tout ça dans ce monde j'ai qu'une envie de laisser perdre la raison. Mais je préfère prendre ma famille. Ils m'ont volé vers trop d'horizon. J'ai pas raison, si. Sinon je perds le sourire, je perds le fou rire. Aujourd'hui demain peut-être pire. Y'a plus de time négro. Obligé de courir pour payer le loyer ou pour se nourrir avant qu'on se fasse broyer. J'ai la rage contre le système frère. Y'a plus rien de bon ici. Arrête, sérieux. Jusqu'à l'air qu'on respire. C'est une triste réalité. La volonté m'a forgé une putain de mentalité. À cause de ha, je suis en manque d'égalité. Et tout ça, ça me pousse dans l'illégalité. Après ils me disent dans mes textes, il n'y a pas assez de tendresse. Normal, vu ce que je vis, ça blesse. Mais je fais ce que je peux sans donner mes fesses. Eh ouais gros, sans donner mes fesses. Ça fait braille. Mes refs et mes rusts de test sont tous en manque d'espace et d'espèces. Et tout ça, ça me dépasse. Mes refs et mes rusts de test sont tous en manque d'espace et d'espèces. Et tout ça, ça me dépasse. Ah bon? Mes refs et mes rusts de test sont tous en manque d'espace et d'espèces. Et tout ça, ça me dépasse. Mes refs et mes rusts de test sont tous en manque d'espace et d'espèces. Et tout ça, ça me dépasse. Bah ouais, depuis que mon atmosphère est tendue. Des fois, j'arrive plus à écrire. Y'a plus rien qui m'inspire. Et pourtant, dans ces vies de chien, j'ai tellement de choses à dire. À vrai dire, j'ai du mal à m'exprimer. Avec tout ce temps passé à trimer. Moi je suis un fils d'immigré, fier de l'être. Fais attention, mets-toi à l'abri quand je suis en 9mm. C'est B-A-B-A-L-I, j'ai fait la mettre. Mon rappeur passe ses tripes. Tu sais très bien qu'une bête de prod et un pilon frère, c'est mon trip. Alors cette année, je viens casser des bouches. Avec mon flow qui frappe n'importe où comme une balle perdue dans ta bouche. Appelle-moi MC, qui vient cogner dur dans le rap, c'est franc. Pente en fure, je viens prendre le trône car il est temps. Que je vienne montrer que je suis un vrai combattant. Je suis toujours là, ou jamais, on ne m'attend. En plus, tu prétends dire que dans le rap game. Que j'ai fait mon temps mais t'es malade. Je vais écrire ce couplet avec ton sang. Vois tu pars que je suis en mode d'extrusion pour mes frères de sang. Je pose mes conditions, mes impulsions à 100%. Prends partie du rap de tasse et ça tu le ressens. Quand ça sort de la tête. Bienvenue dans mon monde où ça cherche que de l'espèce. Ça cherche que de l'espèce. Je dis ce que je vis, ce que je vois. Et je m'en bats les coups du reste. Je m'en bats les coups du reste. Mes refs et mes rusts de test sont tous en manque d'espace et d'espèce. Et tout ça, ça me dépasse. Mes refs et mes rusts de test sont tous en manque d'espace et d'espèce. Et tout ça, ça me dépasse. Ah bon? Mes refs et mes rusts de test sont tous en manque d'espace et d'espèce. Et tout ça, ça me dépasse. Mes refs et mes rusts de test sont tous en manque d'espace et d'espèce. Et tout ça, ça me dépasse. Mes refs et mes rusts de test sont tous en manque d'espace et d'espèces. Et tout ça, ça me dépasse. Mes refs et mes rusts de test sont tous en manque d'espace et d'espèces. Et tout ça, ça me dépasse. Ah bon? Mes refs et mes rusts de test sont tous en manque d'espace et d'espèces. Et tout ça, ça me dépasse. Mes refs et mes rusts de test sont tous en manque d'espace et d'espèces. Et tout ça, ça me dépasse.